n'y est pas. Quelle heure il est en vrai, je sais pas. Je vais retourner sonner dans mon train. Au fond j'ai mal mais je le montre pas. Au fond je saigne mais je le garde pour moi. Je me balade, je traîne, je fais les 400 pas. Mes démons m'appellent malgré mais je rentre pas. J'ai peut-être l'image du bon qui était pas bon. Je grandis, je reste bouche bée devant le miroir. Je retournerai plus jamais dans ses bras. Ma chérie, désolé, mon cœur est noir. Je peux pas aimer tout le monde, ne m'en veut pas. J'ai de la haine à donner, je retourne au soir. Dans mon corps. Dans mon corps. J'ai de la haine à donner, je retourne au soir. Tard le soir, j'ajoute à ce que j'ai coupé dans l'armoire. L'arme à l'œil, j'en porte bien après la mort.